Youki qui s'est dit où c'est qu'est son pépère. Il était où, hein, son papa. Le bon pépère que son kiki préfère. Et sa mémère alors, et sa mémère. Où elle est la mémère à sa nounouche. Elle était où, hein, sa mémère. Qui donne du susuc avec la boubouche. Il était où, hein, le Youki. Il était où le gentil titoutou. Il était où, hein, le Youki. Le gentil titoutou. Il était où. Où c'est qu'il était son papy et son pépère, où c'est qu'était, où c'est qu'il était le Youki, le gentil kiki à mamie. Où ça, hein, où ça, où ça, hein, où ça. Il était là le bouchou kikichou, il était là le plus beau des cookies. Il était là qui, le beau poupou, le plus joli de tous les bounouki. Et c'est à qui tout ça. C'est à kiki. C'était les papates poilus. Il a que, hein. C'était à qui. C'est à Youki la queue qui remue. Et le Youki alors, il est à qui. À qui c'était le mignon choupignou. À qui c'était, hein. Le beau Youki. À son papy ou bien à sa nounou. Il est à qui, hein. Le kiki. Il est à qui le gentil titoutou. Il est à qui, hein. Le Youki. Le gentil titoutou à qui c'était. C'était pas à son papi, à son pépère, alors à qui il était le Youki si c'était pas à sa mamie. Kiki t'as vu pépère, est en colère. Le pépère a Youki fait les gros yeux. Viens voir ici, viens voir sa mémère. Avec mémère on est pas malheureux. Le plus cucu, hein, c'était qui. Mais qui c'est qui des deux le plus neuneu. Le plus neuneu, hein, c'était qui. C'est qui, c'est qui le plus cucu des deux. C'est qui, hein, c'est qui. C'est qui, hein, c'est qui. Et si c'était pas son papy le plus cucu. Alors c'est qui le plus neuneu avec Youki. C'est son papy ou sa mamie. De toute façon, c'était pas le Youki. Alors c'est qui. Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Youki. C'est son papy ou sa mamie. C'est qui, hein, c'est qui. De toute façon, c'était pas le Youki. Alors c'est qui. Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Youki. C'est son papy ou sa mamie. C'est qui, hein, c'est qui. De toute façon, c'était pas le Youki. Alors c'est qui. Et si c'était pas son papy le plus cucu, alors c'est qui le plus neuneu avec Youki. C'est son papy ou sa mamie. C'était le Youki, chanson sortie en 1984, chantée par Richard Gottener, composée par Richard Gottener et Claude Engel, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Les deux monsieur d'ailleurs ont travaillé sur plusieurs chansons de Gottener, ensemble. Gottener, c'est un de mes chanteurs favoris, c'est un peu... C'est une espèce de Madeleine de Proust. Je l'écoutais quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, j'avais deux cassettes de lui. Et je les ai écoutées en boucle jusqu'à ce que les bandes cassent. Enfin, que j'en mêle les bandes, parce que les cassettes, c'était un moyen tout pourri d'enregistrement. Gottener, c'est un chanteur atypique, puisqu'il était d'abord publicitaire. Et il s'est fait connaître dans les années 80 en tant que chanteur de variété, tout en continuant à faire un peu de pub. Il est un peu tombé dans l'oubli au fil du temps, et c'est un peu dommage, mais il n'a pas arrêté de composer. Son dernier album étant sorti en 2010, je ne sais pas s'il a prévu d'en sortir bientôt, mais on le saura peut-être. L'avenir nous le dira. Et on va passer à la suite, et la suite c'est « Pour un flirt avec toi » de Michel Delpech. Avec toi,

La version que vous venez d'entendre, c'est un enregistrement du début du siècle dernier, chanté par Aristide Bruant lui-même, donc vers 1910, quelque chose comme ça. Je pense que j'aurais du mal à trouver une chanson plus ancienne, chantée par l'artiste original en tout cas. Alors on va parler un petit peu d'Aristide Bruant, parce que ce monsieur est intéressant. Donc c'était un chansonnier, un écrivain de la fin du 19e et du début du 20e siècle, et c'est l'un des créateurs du mouvement de la chanson réaliste. C'est souvent des chansons dramatiques, inspirées du quotidien des quartiers populaires de Paris. Voilà. Il y a vraiment plein d'informations à dire sur ce monsieur, il faudra en parler des heures. Je vous invite franchement à chercher vous-même plus d'informations, parce que c'est intéressant. Quant à la chanson elle-même, alors j'aurais vu, mais j'ai pas réussi à recouper trop de sources, du coup c'est du conditionnel, que la chanson aurait été inspirée d'une prostituée qu'Aristide Bruant aurait connue, mais voilà, comme je disais, j'ai rien eu très, très arrêté dans mes recherches, puisque j'ai eu que deux sources, plus ou moins contradictoires. Voilà, si vous en savez plus que moi, donc n'hésitez pas à me le signaler via le forum de l'original. Voilà, mais bon, je parle beaucoup et on va passer à la suite, et la suite c'est Bésame Mucho. Bésame, bésame mucho. Each time I give you a kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. Yeah, I love me forever, say that's where all will divide. Cha-cha boom, dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings, my life would be through. So bésame, bésame mucho. And I love you forever, make all my dreams come true. Ooh, this joy is something new, my arms enfolding you. Never knew this thrill. C'était Bésame Mucho, chanté par les Beatles en 1962. Je ne pense pas avoir à présenter les Beatles, donc parlons un peu de la chanson. Bésame Mucho, hein, littéralement embrasse-moi beaucoup, c'est une chanson mexicaine composée en 1941 par Consuelo Velázquez, qui était une chanteuse mexicaine. La grande particularité de ce titre, c'est surtout que c'est une des chansons qui a été la plus reprise du XXe siècle. Alors, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive ici parce qu'elle est très longue, mais pêle-mêle, on peut citer des interprètes comme Charles Aznavour, Dalida, Danny Briand, Luis Mariano, les Beatles évidemment, mais aussi Eagles ou Santana, et surtout, Ariel Dombal. Enfin bon, non, mais c'est pas une blague, hein. Vraiment, Ariel Dombal l'a chanté. Je vous laisse 2 secondes pour imaginer ce que ça peut donner. C'est bon ? Alors on continue. Et c'est parti. C'était une jeune fille simple et bonne qui ne demandait rien à personne. Un jour dans le métro, il y avait paresse. Un jeune homme osa, je le confesse, lui passer la main sur les cheveux. Comme elle avait bon cœur, elle s'approcha un peu. Le jeune homme vit le mouvement de la demoiselle. Il se rapprocha encore d'elle. Et comme dans chaque homme, tout de suite s'éveille le démon qui l'habite. Le jeune homme lui sortit sa carte et lui dit: je m'appelle Jules et j'habite rue Descartes. Le ciel était bleu sans nuages. Elle dit: ce jeune homme n'est pas sage. Je sens quelque chose de pointu qui d'un air ferme et convaincu cherche à pénétrer dans mon cœur. À qui l'est doux d'aimer, quel frisson de bonheur. Mais comme elle craignait pour sa robe, à cette attaque elle se dérobe. Voulant savoir ce qu'il a chatouille, derrière son dos elle fripatouille et tombe sur une belle paire de gants que le jeune homme dans sa main tenait négligemment. Ainsi à Paris, quand on s'aime, on peut se le dire en public même, les amoureux ne se font pas de bile. Dans tous les coins ils se faufilent, et je crois même qu'ils s'en fichent, car l'amour ouvre les yeux, même aux gens très godiches. C'était La jeune fille du métro, chantée par Colette Renard en 1969. La chanson était en réalité nommée Idylle souterraine, quand elle était composée par Louis Enève ou Enve et Gaston Gabaroche en 1933. Cette chanson a été reprise à plusieurs reprises, c'est le cas de le dire. Notamment, on connaît la version de Renaud en 81. Mais la version de Colette Renard, ça reste ma favorite. Elle a la voix parfaite pour chanter cette chanson. Le texte de la chanson joue avec tout et avec nos expectations. Et le concept est intéressant, même s'il ne date pas d'hier. Hein. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à rechercher... par vous-même, hein, le texte de la chanson « À frère Jean Thibault ». Donc, c'est une chanson construite sur le même procédé, et le texte est daté de 1607. Mais je m'égare, et on passe à la suite. Est-ce que vous connaissez les puces espagnoles ? C'était Spanish Flea, interprété par Herb Alper and the Tijuana Brass en 1965. Voilà, alors pour ceux qui n'avaient pas compris, plus espagnol, Spanish Flea, voilà, blague de merde, c'est normal. Normalement, vous avez tous plus ou moins entendu cette musique, mais en même temps, c'est normal qu'elle soit autant utilisée. Je vous mets au défi, vraiment, d'entendre cette musique sans penser à une situation cocasse. Après, c'est peut-être juste moi qui extrapole à partir de mon ressenti. Enfin bref, Herb Alper and the Tijuana Brass, c'était un groupe spécialisé dans la musique latino-pop, et c'est leur version de Spanish Flea qui est la plus souvent utilisée. Mais ce n'est pas ce groupe-là qui l'a composé, hein, elle a été écrite au début des années 60 par Julius Wetcher. Cette chanson, elle a aussi été reprise en 1966 par le Glenn Miller Orchestra. D'ailleurs, quelle transition de ouf! En parlant du Glenn Miller Orchestra, voici In the Mood. In the Mood. Dieu que cette chanson est bien. C'était donc la version du Glenn Miller Orchestra. C'est un enregistrement qui date de 1939. Le morceau en lui-même a été composé par Joe Garland et Andy Razaf, mais la personne qui fera de ce morceau un succès, c'est Glenn Miller, et qui l'adaptera avec son orchestre. Et ce morceau fait maintenant partie de ce qu'on appelle les standards du jazz. C'est vraiment un classique du jazz et de nombreux big bands continuent de la jouer encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il est bien ce morceau ! Bon, après je peux comprendre, là ça fait de la musique, c'est un peu vieux, etc. Peut-être que si on vous avez peut-être envie de revenir un peu vers notre époque. Mais bon, allez, on va pas aller trop loin non plus, on va dire on s'arrête dans les années 80. C'est bien les années 80. Il y a quoi dans les années 80 ? Il y a plein de trucs bien dans les années 80. Et si on s'écoutait un petit Take On Me ? Allez, c'est parti, Take On Me de A. C'était Take On Me du groupe AA. Je ne sais jamais comment le prononcer. Je ne sais pas s'il faut dire AA. Enfin bref, donc qui est sorti, cette chanson est sortie en 85. Voilà, je m'excuse pour ma piètre performance d'acteur juste avant. C'est... Oh là là, si on allait dans les années 80, je suis un peu fatigué et ça commence à se ressentir. Je suis en train de lire mes fiches. Ce qui est amusant, ah oui, ce qui est amusant avec Take On Me, c'est que la première fois que cette chanson est sortie, c'était en 1984. Et ça a été dans l'indifférence générale. Tout le monde s'en est foutu complètement de cette chanson. Puis, finalement, en 85, elle est réenregistrée pour être mise dans un album. Puisque pour jusque-là, c'était un single. Et avec cet enregistrement vient un nouveau clip. Et c'est à partir de là, la chanson connaîtra un énorme succès. Il faut dire que le clip... Si vous l'avez pas vu, il est vachement sympathique. Mais donc ouais, si vous l'avez pas vu et que vous supportez un peu l'esthétique des années 80, allez le voir. Franchement, ça mérite le coup d'œil. Après la fin de l'émission, évidemment. AA, c'est un groupe norvégien de chanteurs qui chantent en anglais. Un groupe norvégien anglophone, je suppose, qui a été formé en 82. Séparé en 94, regroupé en 98, puis qui a fini par se dissoudre totalement en 2010, à part un ou deux concerts, si je dis pas de bêtises, où ils se sont regroupés. Mais finalement, parmi toutes ces années d'existence, ils n'auront laissé qu'un grand succès qui était Take On Me, et un autre succès un peu plus petit qui la chanson, si je dis pas de conneries, parce que je l'ai pas noté dans mes fiches, donc je le dis de mémoire, ça doit être It's Always Shiny on TV. It's always Sunny on TV. Ça doit être ça. Parce que ça me fait penser à la série It's Always Sunny in Philadelphia. Donc ça doit être ça. It's Always Sunny on TV. Bref, enchaînons. Et on enchaîne avec Girls from the North Country de Bob Dylan. Thank you. if you're traveling in the north country fast, while the winds hit heavy on the borderline, remember me to the one who lives there. For she once was a true love of mine. C'était Girl from the North Country de Bob Dylan. C'est une chanson qui figure sur son album The Freewheelin' Bob Dylan. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Je ne sais pas faire l'accent anglais, hein, vous l'aurez remarqué. Donc The Freewheelin' Bob Dylan. Voilà, on va le faire avec un accent français qui sent bon le camembert. Au moins comme ça, on est sûr que tout le monde comprenne. Sorti en 63. Cette chanson a été adaptée par plusieurs personnes et elle a été aussi adaptée par Hugo Frey en 65 sous le titre de La Fille du Nord. Et maintenant on va passer à une chanson que j'ai découvert très récemment, puisque c'est une chanson que m'a recommandé ma grand-mère quand je lui ai demandé des vieilles musiques pas connues, est-ce que tu en connaîtrais du coup qui s'appelle La Fille au Bouton. Et autant que je vous le dise tout de suite avant de commencer la musique, je n'ai rien trouvé comme anecdote sur cette chanson. Alors... La Môme au Bouton, c'est chanté par Lucette Raya. C'est aussi le titre d'un film, et apparemment la chanson est dans le film, qui date de 58. Et je n'ai rien trouvé d'autre, voilà. Et j'ai pas eu la foi de regarder le film. Mais la chanson est... Bah écoutez, je vais vous la mettre, et puis vous allez vous faire votre avis vous-même. Donc, Lucette Raya, La Môme au Bouton. C'était tout près du pont des Arts qu'elle exploitait son petit négoce. On pouvait voir la pauvre gosse tôt le matin et tard le soir. Avec un sourire très doux, elle tendait dans sa petite menotte de jolis boutons de culotte qu'elle vendait pour quelques sous. C'est la môme au bouton, tant au bouton de culotte. Pauvre môme pas là, qui vendait sans façon, qui vendait du bouton, tant pour sauver qu'elle a peau. Toutes les culottes des autres et gagner son crouton. Elle en avait toutes les couleurs, de toutes les tailles, de toutes les formes. Elle en avait des noirs énormes et des petits blancs avec des fleurs. Elle en avait des transparents avec des reflets idylliques. Elle en avait de métalliques qui se défaisaient rapidement. C'est la môme au bouton, tant au bouton de culotte. Pauvre môme pas là, qui vendait sans façon, qui vendait du bouton, pour la soie des coquettes ou la toile des chemisettes. Bouton tête ne tonton. Mais hélas, le sort du bouton est semblable à celui des roses. Pauvres fleurs qui à peine éclosent sont taquinées par le bourdon. Elle donne à son cœur et sa chair un gars pourtant sympathique, mais qui un jour avoua cynique: je suis dans la fermeture éclair. Et la môme au bouton, tant au bouton de culotte. Pauvre môme pas là, perdit toute raison, zan, devant l'affreux dilemme, quitter celui qu'elle aime ou trahir ses boutons. Sa vie devint un drame, alors des cauchemars hantaient sa cervelle. Elle en eut une varicelle et des boutons partout le corps.